Le rassemblement des jeunes coréens pour auréoler la conférence des pionniers de Malima en meeting des vainqueurs a eu lieu le 13 courant au théâtre à ciel ouvert du parc de la jeunesse à Pyongyang. Y ont pris part Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, les cadres intéressés et les permanents de l'Union de la jeunesse et des jeunes et étudiants. Après la lecture de l'appel lancé à tous les travailleurs du pays par les créateurs de l'esprit Gangwon-do, il y a eu les interventions. Les orateurs ont indiqué que les jeunes doivent créer sans cesse les mythes héroïques de l'époque de Malima à la tête de leur campagne pour appliquer fidèlement les recommandations des leaders et défendre la politique du parti. Ils ont souligné de saluer loyalement la conférence des pionniers de Malima en créant les mérites héroïques dans leur jeunesse en tant que maître de la grande puissance de la jeunesse Paektusan, suivant la direction du dirigeant suprême Kim Jong-un.